série spéciale fin d'année, début d'année, aujourd'hui, puisque la semaine prochaine, d'abord, il n'y aura pas de kiosque à musique, puisqu'il y a l'opération Cœur à Cœur qui démarre dès 8h30, c'est tous les jours de 8h30 à 18h, au profit de l'enfance, mais surtout des familles et des enfants en souffrance ou vulnérables. Et ça, c'est donc dès samedi, 8h30, 18h, tous les jours, sur la première, sur RTS2, en streaming. Ça, c'est l'opération Cœur à Cœur. La semaine d'après, spécial Noël pour nous, avec un kiosque à musique, et vous allez découvrir, préparé par Joséphine Meifer, qui sera juste incroyable en studio. Puis spécial 31, parce qu'on tombe avec les samedis que dans des dates symboliques, 24, 31. 31, c'est Marcia Rostet qui nous a préparé un kiosque à musique spécial musique de film. Et puis spécial 7 janvier, c'est rien de particulier, 7 janvier, mais quand même. Spécial 7 janvier, avec une diffusion de l'émission nationale de la fête fédérale des chœurs de Gossau. Voilà pour les prochains kiosques à musique, mais là on est vraiment dans le kiosque à musique de la soupe, ou plutôt du festival de soupe, avec Pocha!